un vol depuis le zip. Au décollage, tout était beau. Les hôtesses étaient bien sensibles au fait que j'avais un peu chaud. Je feuilletais une revue coincée entre un mur et un gros. C'est dommage que je n'ai pas bu. Je dormirai tout comme ce gros. Pendant qu'elle servait des boissons, j'ai ressenti une vibration. J'ai vérifié de ma vision par le hublot, l'aile de l'avion. Il me semble cher de vos ailes, notre altitude est dépressive. Mes oreilles font des étincelles, mon attitude n'est plus passive. Restez assis, attachez bien votre ceinture. La turbulence est ici. Soyez sages le temps que ça dure. A-t-il fallu que tout son âge quand on va tenter d'amérir? Mettez les gilets de sauvetage. Ça y est, on va tous mourir. C'est le temps, aucun besoin de s'affoler. Un vol se passe de cette façon. Il nous suffit de patienter. On m'a offert un linge humide en me priant de me calmer. On m'a tendu quelconque liquide, mais mon nez s'est mis à saigner. Ils ont fait jouer un film crasseux. On m'a rebranché mes fusibles, me donnant l'alcool que je veux.